boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Sur RVR pour une heure de triplettes de pop and rock. Le principe, mes artistes préférés du moment qu'on retrouve à chaque fois pour trois titres. On vient d'écouter God Love to Kill de Juliet and the Licks. Il nous reste deux morceaux à écouter. Le premier qu'on écoute tout de suite, ça s'appelle Smash and Crab. Et on finira avec le blues du Purgatoire. Allez, première triplette pop and rock, Juliet and the Licks. Yeah. soir, c'était donc Juliette Hendrix qui, du fond de son purgatoire, laisse la place à la belle Allison et au ténébreux Jamie, duo de The Kills, pour la seconde triplette de pop and rock de ce soir. The Kills, Doing It to Death. Thank you. Allison et Jamie de The Kills pour notre deuxième triplette pop and rock avec à l'instant un morceau qui s'appelle Bitterfruit. Bon, après The Kills, faut trouver du lourd, quelque chose pour rester un peu au niveau. Allez, moi je pense à ça. Are you steady? Facebook. Jamais un pop and rock sans le Brian Johnston Massacre. Le prochain triplet sera consacré au cousin maudit des Dandy Warhol. Le Brian Johnston Massacre avec trois titres, Just for Today, Leave Nothing for Sancho et pour terminer le brillant When Jokers Attack de Brian Johnston Massacre. Sorry. triplette pour ce soir. On remonte un peu dans le temps et on finit avec un groupe que j'aime beaucoup, un groupe américain qui s'appelle Alice in Chains. Moi, je l'écoute plutôt lorsqu'ils font des sessions acoustiques. Les autres versions studio me plaisent un petit peu moins, donc on va se faire ce soir 3 morceaux en acoustique. Le premier est un morceau assez rare qui s'appelle Dawn, qui est joué avec un autre groupe qui s'appelle Creed, et on enchaînera avec Nutshell. Tout de suite, Alice in Chains. Lost. feel better there. D'avoir passé cette heure avec vous, une heure entière de triplette de pop and rock, et pour se quitter, donc le dernier morceau de Alice in Chains, le morceau s'appelle The Killer Is Me. Et en attendant de vous retrouver, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bisous à tous. The sun.